Livre neuvième, chapitre 1. Fièvre. Claude Frollo n'était plus dans Notre-Dame pendant que son fils adoptif tranchait si brusquement, le nœud fatal où le malheureux archidiacre avait pris l'égyptienne et s'était pris lui-même. Rentré dans la sacristie, il avait arraché l'aube, la chape et l'étole, avait tout jeté aux mains du bedeau stupéfait, s'était échappé par la porte dérobée du cloître, avait ordonné à un batelier du terrain de le transporter sur la rive gauche de la Seine, et s'était enfoncé dans les rues montueuses de l'université, ne sachant où il allait, rencontrant à chaque pas des bandes d'hommes et de femmes qui se pressaient joyeusement vers le pont Saint-Michel dans l'espoir d'arriver encore à temps pour voir pendre la sorcière. Pâle, égaré, plus troublé, plus aveugle et plus farouche qu'un oiseau de nuit, lâché et poursuivi par une troupe d'enfants en plein jour. Il ne savait plus où il était, ce qu'il pensait, s'il rêvait. Il allait, il marchait, il courait, prenant toute rue au hasard, ne choisissant pas, seulement toujours poussé en avant par la grève, par l'horrible grève qu'il sentait confusément derrière lui. Il longea ainsi la montagne Sainte-Geneviève et sortit enfin de la ville par la porte Saint-Victor. Il continua de s'enfuir tant qu'il put voir en se retournant l'enceinte de Tours de l'université et les rares maisons du faubourg. Mais lorsqu'enfin un pli du terrain lui eut dérobé en entier cet odieux Paris, quand il put s'en croire à son lieu dans les champs, dans un désert, il s'arrêta et il lui sembla qu'il respirait. Alors des idées affreuses se pressèrent dans son esprit. Il revit clair dans son âme et frissonna. Il songea à cette malheureuse fille qu'il avait perdue et qu'il l'avait perdue. Il promena un œil hagard sur la double voie tortueuse que la fatalité avait fait suivre à leurs deux destinées, jusqu'au point d'intersection où elle les avait impitoyablement brisées l'une contre l'autre. Il pensa à la folie des vœux éternels, à la vanité de la chasteté, de la science, de la religion, de la vertu, à l'inutilité de Dieu. Il s'enfonça à cœur joie dans les mauvaises pensées, et à mesure qu'il y plongeait plus avant, il sentait éclater en lui-même un rire de Satan. Et en creusant ainsi son âme, quand il vit quelle large place la nature y avait préparée aux passions, il ricana plus amèrement encore. Il remua au fond de son cœur toute sa haine, toute sa méchanceté, et il reconnut, avec le froid coup d'œil d'un médecin qui examine un malade, que cette haine, que cette méchanceté n'était que de l'amour vicié, que l'amour, cette source de toute vertu chez l'homme, tournait en chose horrible dans un cœur de prêtre, et qu'un homme constitué comme lui, en se faisant prêtre, se faisait démon. Alors il rit affreusement, et tout à coup il redevint pâle, en considérant le côté le plus sinistre de sa fatale passion, de cet amour corrosif, venimeux, haineux, implacable, qui n'avait abouti qu'au gibet pour l'une, à l'enfer pour l'autre, elle condamnée, lui damnée. Et puis le rire lui revint, en songeant que Phébus était vivant. Qu'après tout, le capitaine vivait, était allègre et content, avait de plus beaux hoquetons que jamais, et une nouvelle maîtresse qu'il menait voir pendre l'ancienne. Son ricanement redoubla quand il réfléchit que des êtres vivants dont il avait voulu la mort, l'égyptienne, la seule créature qu'il ne haït pas, était la seule qu'il n'eût pas manquée. Alors, du capitaine, sa pensée passa au peuple, et il lui vint une jalousie d'une espèce inouïe. Il songea que le peuple aussi, le peuple tout entier, avait eu sous les yeux la femme qu'il aimait, en chemise, presque nue. Il se tordit les bras en pensant que cette femme, dont la forme entrevue dans l'ombre par lui seul, eût été le bonheur suprême, avait été livrée en plein jour, en plein midi, à tout un peuple, vêtue comme pour une nuit de volupté. Il pleura de rage sur tous ces mystères d'amour profanés, souillés, dénudés, flétris à jamais. Il pleura de rage en se figurant combien de regards immondes avaient trouvé leur compte à cette chemise mal nouée, et que cette belle fille, ce lys vierge, cette coupe de pudeur et de délices, dont il n'eût osé approcher ses lèvres qu'en tremblant, venait d'être transformée en une sorte de gamelle publique, où la plus vile populace de Paris, les voleurs, les mendiants, les laquais, étaient venus boire en commun un plaisir effronté, impur et dépravé. Et quand il cherchait à se faire une idée du bonheur qu'il eût pu trouver sur la terre, si elle n'eût pas été bohémienne, et s'il n'eût pas été prêtre, si Phébus n'eût pas existé, et si elle l'eût aimé, quand il se figurait qu'une vie de sérénité et d'amour lui eût été possible aussi à lui, qu'il y avait en ce même moment, çà et là sur la terre, des couples heureux, perdus en longues causeries sous les orangers, au bord des ruisseaux, en présence d'un soleil couchant, d'une nuit étoilée, et que si Dieu l'eût voulu, il eût pu faire avec elle un de ces couples de bénédiction, son cœur se fondait en tendresse et en désespoir. Oh, elle, c'est elle, c'est cette idée fixe qui revenait sans cesse, qui le torturait, qui lui mordait la cervelle et lui déchiquetait les entrailles. Il ne regrettait pas, il ne se repentait pas. Tout ce qu'il avait fait, il était prêt à le refaire encore. Il aimait mieux la voir aux mains du bourreau qu'aux bras du capitaine. Mais il souffrait tant que par instant, il s'arrachait des poignées de cheveux pour voir s'il ne blanchissait pas. Il y eut un moment, entre autres, où il lui vint à l'esprit que c'était là, peut-être, la minute où la hideuse chaîne qu'il avait vue le matin resserrait son nœud de fer autour de ce cou si frêle et si gracieux. Cette pensée lui fit jaillir la sueur de tous les pores. Il y eut un autre moment où, tout en riant diaboliquement sur lui-même, il se représenta à la fois la Esmeralda comme il l'avait vue le premier jour, vive, insouciante, joyeuse, parée, dansante, ailée, harmonieuse. Et la Esmeralda du dernier jour, en chemise et la corde au cou, montant lentement avec ses pieds nus l'échelle anguleuse du gibet. Il se figura ce double tableau d'une telle façon qu'il poussa un cri terrible. Tandis que cet ouragan de désespoir bouleversé, brisé, arraché, courbé, déracinait tout dans son âme, il regarda la nature autour de lui. À ses pieds, quelques poules fouillaient les broussailles en becquetant, les scarabées d'émail couraient au soleil. Au-dessus de sa tête, quelques croupes de nuées gris pommelées fuyaient dans un ciel bleu. À l'horizon, la flèche de l'abbaye Saint-Victor perçait la courbe du coteau de son obélisque d'ardoise, et le meunier de la butte Copeau regardait en sifflant tourner les ailes travailleuses de son moulin. Toute cette vie active, organisée, tranquille, reproduite autour de lui sous mille formes, lui fit mal. Il recommença à fuir. Il courut ainsi à travers champs jusqu'au soir. Cette fuite de la nature, de la vie, de lui-même, de l'homme, de Dieu, de tout, dura tout le jour. Quelquefois il se jetait la face contre terre, et il arrachait avec ses ongles les jeunes blés. Quelquefois, il s'arrêtait dans une rue de village déserte, et ses pensées étaient si insupportables qu'il prenait sa tête à deux mains et tâchait de l'arracher de ses épaules pour la briser sur le pavé. Vers l'heure où le soleil déclinait, il s'examina de nouveau et il se trouva presque fou. La tempête qui durait en lui depuis l'instant où il avait perdu l'espoir et la volonté de sauver l'Égyptienne, cette tempête n'avait pas laissé dans sa conscience une seule idée saine, une seule pensée debout. Sa raison y gisait, à peu près entièrement détruite. Il n'avait plus que deux images distinctes dans l'esprit, la Esmeralda et la Potence. Tout le reste était noir. Ces deux images rapprochées lui présentaient un groupe effroyable, et plus il y fixait ce qui lui restait d'attention et de pensée, plus il les voyait croître, selon une progression fantastique, l'une en grâce, en charme, en beauté, en lumière, l'autre en horreur. De sorte qu'à la fin, la Esmeralda lui apparaissait comme une étoile, le gibet comme un énorme bras décharné. Une chose remarquable, c'est que pendant toute cette torture, il ne lui vint pas l'idée sérieuse de mourir. Le misérable était ainsi fait, il tenait à la vie. Peut-être voyait-il réellement l'enfer derrière. Cependant, le jour continuait de baisser. L'être vivant qui existait encore en lui songea confusément au retour. Il se croyait loin de Paris, mais, en s'orientant, il s'aperçut qu'il n'avait fait que tourner l'enceinte de l'université. La flèche de Saint-Sulpice et les trois hautes aiguilles de Saint-Germain-des-Prés dépassaient l'horizon à sa droite. Il se dirigea de ce côté. Quand il entendit le « qui vive » des hommes d'armes de la baie autour de la circonvallation crénelée de Saint-Germain, il se détourna, prit un sentier qui s'offrit à lui entre le moulin de l'abbaye et la maladrerie du bourg, et au bout de quelques instants se trouva sur la lisière du pré au clair. Ce pré était célèbre par les tumultes qu'il s'y faisait jour et nuit. C'était l'hydre des pauvres moines de Saint-Germain. Quod monachis santi germani, pratensis hydra fuit, clericis nova, semper, dissidiorium, capita, sustantibus. L'archidiacre craignit d'y rencontrer quelqu'un. Il avait peur de tout visage humain. Il venait d'éviter l'université, le bourg Saint-Germain. Il voulait ne rentrer dans les rues que le plus tard possible. Il longea le pré au clair, prit le sentier désert qui le séparait du Dieu neuf, et arriva enfin au bord de l'eau. Là, Don Claude trouva un batelier qui, pour quelques deniers parisis, lui fit remonter la Seine jusqu'à la pointe de la cité et le déposa sur cette langue de terre abandonnée où le lecteur a déjà vu rêver Gringoire et qui se prolongeait au-delà des jardins du roi parallèlement à l'île du Passeur aux Vaches. Le bercement monotone du bateau et le bruissement de l'eau avaient en quelque sorte engourdi le malheureux Claude. Quand le batelier se fut éloigné, il resta stupidement debout sur la grève, regardant devant lui et ne percevant plus les objets qu'à travers des oscillations grossissantes qui lui faisaient de tout une sorte de fantasmagorie. Il n'est pas rare que la fatigue d'une grande douleur produise cet effet sur l'esprit. Le soleil était couché derrière la haute tour de Nesle. C'était l'instant du crépuscule. Le ciel était blanc, l'eau de la rivière était blanche. Entre ces deux blancheurs, la rive gauche de la Seine sur laquelle il avait les yeux fixés projetait sa masse sombre et de plus en plus amincie par la perspective, s'enfonçait dans les brumes de l'horizon comme une flèche noire. Elle était chargée de maisons dont on ne distinguait que la silhouette obscure, vivement relevée en ténèbres sur le fond clair du ciel et de l'eau. Çà et là, des fenêtres commençaient à y scintiller comme des trous de braise. Cet immense obélisque noir, ainsi isolé entre deux nappes blanches du ciel et de la rivière, fort large en cet endroit, fit à Don Claude un effet singulier, comparable à ce qu'éprouverait un homme qui, couché à terre sur le dos au pied du clocher de Strasbourg, regarderait l'énorme aiguille s'enfoncer au-dessus de sa tête dans les pénombres du crépuscule. Seulement ici, c'était Claude qui était debout et l'obélisque qui était couché. Mais comme la rivière, en reflétant le ciel, prolongeait l'abîme au-dessous de lui, L'immense promontoire semblait aussi hardiment élancé dans le vide que toute flèche de cathédrale, et l'impression était la même. Cette impression avait même cela d'étrange et de plus profond que c'était bien le clocher de Strasbourg, mais le clocher de Strasbourg haut de 2 lieues. Quelque chose d'inouï, de gigantesque, d'incommensurable. Un édifice comme nul œil humain n'en eût vu, une tour de Babel. Les cheminées des maisons, les créneaux des murailles, les pignons taillés des toits, la flèche des Augustins, la tour de Nesle, toutes ces saillies qui ébréchaient le profil du colossal obélisque, ajoutaient à l'illusion, en jouant bizarrement à l'œil, des découpures d'une sculpture touffue et fantastique. Claude, dans l'état d'hallucination où il se trouvait, crut voir de ses yeux vivants le clocher de l'enfer. Les 1000 lumières répandues sur toute la hauteur de l'épouvantable tour lui parurent autant de porches de l'immense fournaise intérieure. Les voix et les rumeurs qui s'en échappaient, autant de cris, autant de râles. Alors il eut peur, il mit ses mains sur ses oreilles pour ne plus entendre, tourna le dos pour ne plus voir, et s'éloigna à grands pas de l'effroyable vision. Mais la vision était en lui. Quand il rentra dans les rues, les passants qui se coudoyaient aux lueurs des devantures de boutiques lui faisaient l'effet d'une éternelle allée et venue de spectres autour de lui. Il avait des fracas étranges dans l'oreille, des fantaisies extraordinaires lui troublaient l'esprit. Il ne voyait ni les maisons, ni le pavé, ni les chariots, ni les hommes et les femmes, mais un chaos d'objets indéterminés qui se fondaient par les bords les uns dans les autres. Au coin de la rue de la Barillerie, il y avait une boutique d'épicerie dont l'auvent était, selon l'usage immémorial, garni dans son pourtour de ces cerceaux de fer blanc auxquels pend un cercle de chandelles de bois qui s'entrechoquent au vent, en claquant comme des castagnettes. Il crut entendre s'entre-heurter dans l'ombre le trousseau de squelettes de Montfaucon. « Oh ! » murmura-t-il, « le vent de la nuit les chasse les uns contre les autres et mêle le bruit de leurs chaînes au bruit de leurs os. Elle est peut-être là parmi eux. » Éperdu, il ne sut où il allait. Au bout de quelques pas, il se trouva sur le pont Saint-Michel. Il y avait une lumière à une fenêtre d'un rez-de-chaussée. Il s'approcha. À travers un vitrage fêlé, il vit une salle sordide qui réveilla un souvenir confus dans son esprit. Dans cette salle mal éclairée d'une lampe maigre, il y avait un jeune homme blond et frais, à figure joyeuse, qui embrassait dans de grands éclats de rire une jeune fille forte et frontément parée. Et près de la lampe, il y avait une vieille femme qui filait et qui chantait d'une voix chevrotante. Comme le jeune homme ne riait pas toujours, la chanson de la vieille arrivait par lambeaux jusqu'au prêtre. C'était quelque chose d'inintelligible et d'affreux. Grève à bois, grève grouille, file, file ma quenouille, file sa corde au bourreau qui siffle dans le préau. Grève à bois, grève grouille. La belle corde de chanvre, semée d'isy jusqu'à Vanvre, du chanvre et non pas du blé. Le voleur n'a pas volé la belle corde de chanvre. Grève grouille, grève à bois, pour voir la fille de joie pendre au gibet chassieux. Les fenêtres sont des yeux. Grève grouille, grève à bois. Là-dessus, le jeune homme riait et caressait la fille. La vieille, c'était la Falourdelle. La fille, c'était une fille publique. Le jeune homme, c'était son jeune frère Jehan. Il continua de regarder, autant ce spectacle qu'un autre. Il vit Jehan aller à une fenêtre qui était au fond de la salle, l'ouvrir, jeter un coup d'œil sur le quai où brillaient au loin 1000 croisées éclairées. et il l'entendit dire en refermant la fenêtre « Sur mon âme, voilà qu'il se fait nuit, les bourgeois allument leurs chandelles et le bon Dieu ses étoiles. » Puis Jehan revint vers la ribaude et cassa une bouteille qui était sur une table en s'écriant « Déjà vide, Corbeuf, et je n'ai plus d'argent. Isabeau, mamie, je ne serai content de Jupiter que lorsqu'il aura changé vos deux tétins blancs en deux noires bouteilles, où je têterai du vin de bonne jour et nuit. » Cette belle plaisanterie fit rire la fille de joie, et Jehan sortit. Don Claude n'eut que le temps de se jeter à terre pour ne pas être rencontré, regardé en face et reconnu par son frère. Heureusement, la rue était sombre et l'écolier était ivre. Il avisa cependant l'archidiacre couché sur le pavé dans la boue. « Ho, ho ! » dit-il, « en voilà un qui a mené joyeuse vie aujourd'hui. » Il remua du pied Don Claude qui retenait son souffle. « Ivre mort !» reprit Jehan. « Allons, il est plein. Une vraie sangsue détachée d'un tonneau. Il est chauve !» ajouta-t-il en se baissant. « C'est un vieillard. Fortuna te senex !» Puis Don Claude l'entendit s'éloigner en disant « C'est égal, la raison est une belle chose, et mon frère l'archidiacre est bien heureux d'être sage et d'avoir de l'argent. » L'archidiacre alors se releva et courut tout d'une haleine vers Notre-Dame dont il voyait les tours énormes surgir dans l'ombre au-dessus des maisons. À l'instant où il arriva, tout haletant sur la place du Parvis, il recula et n'osa lever les yeux sur le funeste édifice. « Oh ! dit-il à voix basse, « est-il donc bien vrai qu'une telle chose se soit passée ici, aujourd'hui, ce matin même ?» Cependant, il se hasarda à regarder l'église. La façade était sombre, le ciel derrière étincelé d'étoiles. Le croissant de la lune, qui venait de s'envoler de l'horizon, était arrêté en ce moment au sommet de la tour de droite et semblait s'être perché comme un oiseau lumineux au bord de la balustrade découplée en trèfles noirs. La porte du cloître était fermée, mais l'archidiacre avait toujours sur lui la clé de la tour où était son laboratoire. Il s'en servit pour pénétrer dans l'église. Il trouva dans l'église une obscurité et un silence de caverne. Aux grandes ombres qui tombaient de toutes parts, à larges pans, il reconnut que les tentures de la cérémonie du matin n'avaient pas encore été enlevées. La grande croix d'argent scintillait au fond des ténèbres, saupoudrée de quelques points étincelants comme la voie lactée de cette nuit de sépulcre. Les longues fenêtres du chœur montraient au-dessus de la draperie noire l'extrémité supérieure de leurs ogives, dont les vitraux traversés d'un rayon de lune n'avaient plus que les couleurs douteuses de la nuit, une espèce de violet, de blanc et de bleu dont on ne retrouve la teinte que sur la face des morts. L'archidiacre, en apercevant tout autour du chœur ces blêmes pointes d'ogives, crut voir des mitres d'évêques damnés. Il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il crut que c'était un cercle de visages pâles qui le regardait. Il se mit à fuir à travers l'église. Alors, il lui sembla que l'église aussi s'ébranlait, remuait, s'animait, vivait, que chaque grosse colonne devenait une patte énorme qui battait le sol de sa large spatule de pierre, et que la gigantesque cathédrale n'était plus qu'une sorte d'éléphant prodigieux qui soufflait et marchait avec ses piliers pour pieds, ses deux tours pour trompe, et l'immense drap noir pour caparaçon. Ainsi, la fièvre ou la folie était arrivée à un tel degré d'intensité que le monde extérieur n'était plus pour l'infortuné qu'une sorte d'apocalypse visible, palpable, effrayante. Il fut un moment soulagé. En s'enfonçant sous les bas-côtés, il aperçut derrière un massif de piliers une lueur rougeâtre. Il y courut comme à une étoile. C'était la pauvre lampe qui éclairait jour et nuit le bréviaire public de Notre-Dame sous son treillis de fer. Il se jeta avidement sur le Saint-Livre, dans l'espoir d'y trouver quelque consolation ou quelque encouragement. Le livre était ouvert à ce passage de Job sur lequel son œil fixe se promena. Et un esprit passa devant ma face, et j'entendis un petit souffle, et le poil de ma chair se hérissa. À cette lecture lugubre, il éprouva ce qu'éprouve l'aveugle qui se sent piqué par le bâton qu'il a ramassé. Ses genoux se dérobèrent sous lui, et il s'affaissa sur le pavé, songeant à celle qui était morte dans le jour. Il sentait passer et se dégorger dans son cerveau tant de fumée monstrueuse qu'il lui semblait que sa tête était devenue une des cheminées de l'enfer. Il paraît qu'il resta longtemps dans cette attitude, ne pensant plus, abîmé et passif sous la main du démon. Enfin, quelque force lui revint. Il songea à s'aller réfugier dans la tour près de son fidèle Quasimodo. Il se leva, et comme il avait peur, il prit pour s'éclairer la lampe du bréviaire. C'était un sacrilège, mais il n'en était plus à regarder à si peu de choses. Il gravit lentement l'escalier des tours, plein d'un secret effroi que devait propager jusqu'aux rares passants du parvis la mystérieuse lumière de sa lampe montant si tard de meurtrière en haut du clocher. Tout à coup, il sentit quelque fraîcheur sur son visage et se trouva sous la porte de la plus haute galerie. L'air était froid. Le ciel charrié des nuages dont les larges lames blanches débordaient les unes sur les autres en s'écrasant par les angles et figuraient une débâcle de fleuve en hiver. Le croissant de la lune, échoué au milieu des nuées, semblait un navire céleste pris dans ses glaçons de l'air. Il baissa la vue et contempla un instant, entre la grille des colonnettes qui unit les deux tours, au loin, à travers une gaze de brume et de fumée, la foule silencieuse des toits de Paris, aiguë, innombrable, pressée, et petit comme les flots d'une mer tranquille dans une nuit d'été. La lune jetait un faible rayon qui donnait au ciel et à la terre une teinte de cendre. En ce moment, l'horloge éleva sa voix grêle et fêlée. Minuit sonna. Le prêtre pensa à midi. C'étaient les 12 heures qui revenaient. « Oh !» se dit-il tout bas, « elle doit être froide à présent. » Tout à coup, un coup de vent éteignit sa lampe, et presque en même temps, il vit paraître à l'angle opposé de la tour une ombre, une blancheur, une forme, une femme. Il tressaillit. À côté de cette femme, il y avait une petite chèvre qui mêlait son bêlement au dernier bêlement de l'horloge. Il eut la force de regarder. C'était elle. Elle était pâle, elle était sombre, ses cheveux tombaient sur ses épaules comme le matin, mais plus de cordes au cou, plus de mains attachées. Elle était libre, elle était morte. Elle était vêtue de blanc et elle avait un voile blanc sur la tête. Elle venait vers lui lentement en regardant le ciel. La chèvre surnaturelle la suivait et il se sentait de pierre et trop lourd pour fuir. À chaque pas qu'elle faisait en avant, il en faisait un en arrière, et c'était tout. Il rentra ainsi sous la voûte obscure de l'escalier. Il était glacé de l'idée qu'elle allait peut-être y entrer aussi. Si elle l'eût fait, il serait mort de terreur. Elle arriva en effet devant la porte de l'escalier, s'y arrêta quelques instants, regarda fixement dans l'ombre, mais sans paraître y voir le prêtre, et passa. Elle lui parut plus grande que lorsqu'elle vivait. Et il vit la lune à travers sa robe blanche. Il entendit son souffle. Quand elle fut passée, il se mit à redescendre l'escalier avec la lenteur qu'il avait vue au spectre. Se croyant spectre lui-même, hagard, les cheveux tout droits, sa lampe éteinte toujours à la main, et tout en descendant les degrés en spirale, il entendait distinctement dans son oreille une voix qui riait et répétait. Un esprit passa devant ma face, et j'entendis un petit souffle, et le poil de ma chair se hérissa.